les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Francis, bonsoir. Bonsoir Marie. Tu es prêt pour une nouvelle émission ? Bien sûr, avec plaisir. On va se réchauffer un peu parce que dehors ça caille. Hein. Ouais, ça caille. Alors quoi de beau ? Qu'avons-nous ramené dans notre besace ? Il y a de quoi se réchauffer. J'ai du Carousel Vertigo, du Trigger Finger, du Thomas Wynn, du Supersonic Blues Machine. Oui, le nouvel album est arrivé. Ouais. On était très contents et on est très contents de pouvoir vous le présenter tout à l'heure. À bientôt, à tout de suite. À tout de suite. My paper bought me a diamond ring. Big Dave, now you're my loving man. Found my paper 3 years ago. She gave me the key through her door. Et l'on va commencer avec un nouvel album, le 4e CD du Quintet qui est originaire de Milwaukee, qui a déjà 15 ans d'existence. Ce quintet s'appelle Charmed and Dangerous. Lane to lane. is on my list to quit. It's on my list to quit. Charmin Dangerous, quatrième album donc du quintet Altered Five Blues Band, originaire de Milwaukee. 13 titres, 13 compositions, co-compositions entre le chanteur et le guitariste. Et l'on a retrouvé ici la voix chaleureuse de Jeff Taylor, donc le chanteur leader de ce band. Je vous propose un deuxième titre. Voici Charmin Dangerous, le titre qui donne son nom à l'album. Man, 6'2", double barrel chest, Wolverine tattoo, ride an iron horse chopper, walk a bloodhound dog, got all the gunpowder, one man's alive. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Darling, I feel you full of joy. I'm a heat-seeking missile, I aim a thrill. Gonna sneak up one night, make your heart stand still. I'm charmed and dangerous, let me be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm charmed, dangerous. Yes, I am. I can tame the wild, make an iceberg melt, in pain with a smile. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm got to feel good, I'm a wanted man, I'm a love supreme, baby. Yes, I am. Promise you, darling, oh, I'm the real McCoy. I promise you, darling, I'll fill you with joy. Et Et cet album Charm and Dangerous est sorti sur le label Blind Pig Records en août 2017. Le groupe, je vous le disais, donc Altered Five Blues, et on s'écoute un troisième titre, Small Talk. My assumption is wrong tonight. My groove, it just ain't right. I'm ready to listen with sharp attention. She got little to say, but clear intention. She don't wanna make small talk, she wanna have some fun. Make her move real quick, or she'll turn and run. She's in the mood, gives me the look. The stove is hot, and I'm ready to cook. If she moves in close, it's got to mean one thing. Get down to business, try to make her sing. She don't wanna make small talk, she don't wanna make nice. I can hold my tongue, don't have to ask me twice. She don't wanna make small talk, about to have some fun. Make a move real quick, or she'll turn and run. I won't start a simple conversation. Time for smoke. Told off the boss, got fired, now I'm broke. Don't wanna talk about this bad situation. I think I'm gonna take a long, long unplanned vacation. I don't wanna make small talk, I don't wanna make nice. I can hold my tongue, don't have to ask me twice. I don't wanna make small talk, I'm about to have some fun. Make a move real quick, or she'll turn and run. She wanna have some fun. Voilà donc ce que je voulais vous proposer du Altered Five Blues Band. Je rappelle, l'album s'appelle Charmed and Dangerous. Francis, on reste aux États-Unis pour la suite ? Ah oui, tout à fait Thierry. On reste aux États-Unis avec un album qui est paru là, en juin cette année. C'est monsieur Jim Olchin. Alors, c'est un musicien qui, a commencé sa carrière professionnelle dans l'informatique. Il était notamment dans la tête exécutive chez Microsoft. Et puis, tout en parallèle, il aimait bien la guitare. Il a toujours un peu gratouillé la guitare. Et depuis 2007, il a lâché l'informatique. Il s'est consacré vraiment sur sa carrière musicale et sur la guitare. Et Bah, il s'en sort très bien, Jim Holchin. Il a, donc je vous dis, produit un album, là, enfin pas produit, il a enregistré un album, parce que la production c'est pas lui, c'est monsieur Tom Unbridge, excusez du peu quand même, hein, c'est une pointure dans la production blues, hein, c'est lui qui est derrière les derniers albums, je crois, de Buddy Guy. Alors, Jim Holchin s'est entouré d'une flopée de super musiciens. Ils sont, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ils sont bien une quinzaine sur cet album. Entre les guitares, la batterie qui est tenue également par Tom Unbridge, et puis les basses, les guitares, les trompettes, les trombones, les claviers, enfin bref, il y a du monde. Et ça nous donne un album qui s'appelle Decision. Qui est donc disponible bah, chez Blind Raccoon, c'est quoi un peu c'est quoi la maison de distribution, je suis en train de chercher là, Sulky Music, enfin bref, vous allez chez votre disquaire habituel et vous trouverez Jim Holchin. Cet album s'appelle Decision et tout de suite on écoute un premier titre justement, ça s'appelle Bad Decision, Jim Holchin. Voilà, Jim Holchin, mais ne vous trompez pas, tout l'album n'est pas aussi péchu que ce qu'on vient d'entendre. Hein. Il y a du bon blues, il y a du blues rock, il y a des titres qui flirtent un peu avec la pop sirupeuse. C'est assez varié, mais plaisant à écouter. 14 titres qui ont été enregistrés à Nashville. Et 14 titres, je vous disais, ben, on ne va pas tout vous passer, bien sûr. Hein. Je vais vous passer un deuxième, là, de M. Jim Olchin. Ça s'appelle « Blew Me Away ». Alors, cette chanson parlerait, semble-t-il, d'une personne qui tombe amoureuse du premier coup. Un coup de foudre, quoi, voilà. « Blew Me Away », Jim Olchin. Talking and I could see every time you breathed, you made me weak. I was happy before, but that was yesterday. Your downright ecstasy, you blew me away. Jim Olchin, Blew Me Away, c'est extrait de son nouvel album Decisions, Jim Olchin. Et maintenant, est-ce qu'on parle un peu d'agenda ou pas tout de suite, non ? Si, on va donner quelques petites dates de concert là, tout au long de cette émission. Alors je vais vous dire que notre ami Alain Augustiniac organise pour la énième fois le Sam Blues Festival. Alors c'est dans le Pas-de-Calais et cette année ce sera pour 3 soirées dans 3 villes différentes. Le vendredi 10 novembre, donc le Sam Blues Festival accueille Aurel and the Backside et Awake. C'est à Carvin. Le vendredi 17 novembre, il y aura donc au Sam Blues Festival Black Cat Joe and Miss Corina, The King Riders, Christophe Marquis et Nico du Portal and his Rhythm and Jude, et ça c'est à Avion, toujours dans le Pas-de-Calais. Et le samedi 18, il y aura donc pour le Sam Blues Festival Tabasco Wild Band, Lieutenant Cobb, Lady Purple et Doghouse Sam and his Magnatons, et là ce sera à Méricourt. Je vous le rappelle également, si vous n'avez pas le temps de tout noter, pas de problème, rendez-vous sur notre site internet piqueblues.fr. On continue maintenant la musique avec le nouvel album de Johnny Lang qui s'appelle Signs. Voici Make It Move. It's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. Yeah. I see you on your front porch, judging all the rest. When just behind your front door, your own house lies in a mess. Spent your whole life waiting for the mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. It's waiting on you. You gotta make it move. C'est avec ce Make It Move que débute cet album de Johnny Lang qui s'appelle Signs. Johnny Lang revient avec cet album à ses débuts. Il a commencé jeune puisque Johnny Lang a 36 ans et il a déjà 15 ans de carrière derrière lui. Et ses débuts musicaux étaient bien blues. Entre deux, j'avoue que moi je l'ai un peu perdu de vue parce que j'ai un peu moins aimé ce qu'il faisait. Mais là, lorsque j'ai reçu cet album à la maison, j'étais très contente de retrouver Johnny Lang. 11 titres pour cet album Signs. Je vous propose maintenant d'écouter Last Man Standing. Got me blinded. Voilà donc deux titres totalement différents de ce nouvel album de Johnny Long qui s'appelle Signs et qui est sorti chez Provogue. Je vous rappelle que samedi 11 a lieu le Blue Blues Festival à Haringum et que si vous n'avez pas vos tickets, c'est trop tard, le festival est complet et que le Spirit of 66 vous propose des concerts pas mal, je trouve, au mois de novembre, puisque le lundi 13, il y aura Popa Chubby, le mercredi 15, Tommy Castro, le lundi 20, Robin Trower et le lundi 27, Anna Popovic. Tout ça pour le Spirit of 66 à Verviers. Alors Francis, toi aussi, tu as été très content de l'album que tu as reçu là, dans la boîte aux lettres. Oui. C'est, je vous le disais tout à l'heure en commençant, c'est la nouvelle mouture de Super Sonic Blues Machine. C'est un groupe, en fait, comment on peut dire, une fusion alchimique de trois personnages de la scène rock quand même américaine. Hein. Le batteur Kenny Aronoff, le bassiste et producteur Fabrizio Grossi et un guitariste guitariste-chanteur Lance Lopez qui a aussi pas mal écumé les scènes rock avec différents groupes. Eh bien, ce nouvel album, sorti également chez Provogue, là, dans le groupe Mascotte, s'appelle California Soul. En fait, tous ces musiciens sont bien ancrés dans la scène rock, mais cette nouvelle galette, en fait, c'est la musique que leur inspire Los Angeles, de là où ils viennent. Los Angeles et la Californie. On va écouter un premier titre, j'hésite parce qu'il y a pas mal de bons titres. Allez, qu'est-ce que je vous ai mis ? Le 3, c'est L-O-V-E, Love, Love, Love, Love, Supersonic Machine Blues. I'm not missing you. I don't need you. Don't wanna play no more. All I need. Ah là là, c'était bien Supersonic Blues Machine, mais c'était pas le titre que je vous ai annoncé. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Hein. Les manettes et le micro, c'est terrible. C'était pas Love. En fait, c'était le premier titre qui démarre cet album, I'm Done Missing You. Mais vous n'avez pas perdu au change avec cette petite rythmique un peu reggae, là, bien sympa. J'aime bien la voix de Lance Lopez, un peu éraillée. Là. Pourquoi love, L-O-V-E, on va se l'écouter tout de suite, allez, Supersonic Blues Machine. I'm C'était le Love de Supersonic Blues Machine. Eh bien, ouais, c'est leur deuxième album. Hein. Voilà, encore un album très homogène, très plaisant. Homogène, c'est normal, c'est un compact disque. Bon, et alors, ils ont beaucoup de copains, hein, beaucoup de potes, hein, les Supersonic Blues Machine. Et comme sur leur premier album, ils les ont invités pour différents titres. On retrouve Billy Gibbons, Eric Gales, Steve Lukather, Walter Trout, Robin Ford. Tous des guitaristes, bien sûr. Ce qui nous donne... je vous passerai un titre la prochaine fois avec Eric Gales. Il est pas mal du tout, mais on peut pas tout passer ce soir. Hein. Ça, cet album, hein, voilà, y a que des talents. Et puis, il est gorgé d'un rock bourré d'âme, de rock blues, comme sur ce D1 de Supersonic Blues Machine. Oh. Mais j'aime bien ça, avec les chœurs là, qui viennent toujours ponctuer, répondre un peu à la voix de Lance Lopez. Alors le groupe, hein, c'est Supersonic Blues Machine, l'album c'est California Soul. Et puis ben, on vous en repassera hein, dans les prochaines émissions de Télé-New. Ce serait chouette d'ailleurs qu'ils fassent une tournée. C'est pas gagné. En attendant, encore quelques dates de concert. Le De Korenbloem à Zingham vous accueille demain, vendredi 10, dès 20h30. Et vous pourrez retrouver sur scène Zach Harmon Band. Encore deux dates dans le cadre de Blues en Or pour le mois de novembre. Le vendredi 24, ça se passe au Café Mononc à Ploegsteert avec Paul Lamb and the Kingsnakes. Paul Lang and the Kingsnakes, qui sont d'ailleurs en concert ce soir au Centre culturel de Steger de Menin. Et donc, pour Blues en Or, Anna Popovic, le samedi 25 novembre à Marc-en-Barœul. Did you go to Las Vegas? Do you make the scene? Throw your money in a slot machine. Did you see the white tiger? Do you see them disappear? Do you believe in magic? Do you wish it was still here? Do you believe in hope? Do you believe in change? Are you really surprised? It's still the same old game. Mais c'était Johnny à Las Vegas. Eh oui, Johnny Rawls. Ah, Johnny Rawls. Que nous avions vu en concert à Menin. Ah ouais, il y a l'année dernière. Ouais. Et dont nous vous avions passé énormément son album précédent, Tiger in a Cage, car on avait beaucoup aimé. Et on aime également beaucoup cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Waiting for the Train. 10 titres, 6 compos, 4 reprises. Donc on vient d'écouter Las Vegas. C'était une composition de Johnny Rawls. Voici maintenant Turning Point, un titre de Tyrone Davis, un des plus populaires. Attendez, excusez-moi. Un des chanteurs les plus populaires de soul des années 70. Show love, sweet thing. I reached a turning point in my life. A turning point, Lord, Lord, Lord, in my life. I used to stay out all night long. Used to do a whole lot of wrong. And I don't know what enough. If that sweet thing hadn't come along, I said that sweet thing had come along. No more running around for me. Fire and settling down. Ooh, I reached a turning point. I reached the turning point in my life. I reached a turning point. Lord, Lord, Lord, in my life. Little girl, she was worn out of her 110, and she don't get excited by you slick talking men. She's a whiz around my house, need of a pen. Check this out, got a hole in my sock, got a hole in my shirt. Sweet things you mean, yes you will now. No more staying out late for me. No more narrow escape. I reached a turning point. I reached the turning point in my life. Soul, cet album de Johnny Rawls, moi ça me donne envie de bouger. Il faut dire que Johnny Rawls a commencé très jeune avec le légendaire chanteur de soul O.V. Wright. Donc ce nouvel album s'appelle Waiting for the Train, il vient de sortir là donc en 2017 et je vous propose un troisième titre. Il a été écrit par Syl Johnson, voici We Did It. Lots of doing, but we did it. Yes, we did, girl. Oh, lots of doing, but we did it. Yes, we did, girl. It took a lot of doing, a lot of renewing. We made mistakes, but we had what it takes to get over, girl. Oh, to get over, girl. It took a whole lots of making. Waiting for the Train, nouvel album de Johnny Rawls. C'est lui, Francis, on aime peut-être la chance qu'il revienne en retournée. Ben, je crois, parce qu'il me semble qu'il avait apprécié son passage ici. Puis, il était très sympathique. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis, j'aime bien la soul comme ça. Ouais. C'est dansant, ça fait plaisir. Oui. Allez, je te lance la balle. Ben oui, ben moi je vais changer totalement de registre. Hein. Enfin, on reste aux États-Unis, mais on va quitter la soul pour quelque chose qui se rapproche plus du folk. C'est Thomas Wynn and the Believers. Thomas Wynn, W-Y-2-N. Alors, Thomas Wynn and the Believers, c'est Thomas et Olivia Wynn, frères et sœurs à la ville, guitaristes et chanteurs à la scène, et quatre comparses qui forment les Believers. Alors, ce nouvel album, récemment sorti, là, qui s'appelle Wade West Deep, c'est en fait, il confirme le style musical développé sur les deux albums précédents. Je vous disais un peu folk, on va écouter un premier titre, Mountain Fog, Thomas Wynn and the Believers. One, two, three. a side of me, one you never see. It's just out of reach, even to me. There's a mountain top up in fog, it sits high above your heart. Thomas Wynne, un peu oppressant, je trouve ce titre, Mountain Fog, le brouillard de la montagne. Alors, Thomas Wynne, je vous le répète, hein, c'est un groupe. Non, je ne vous le répète pas, je ne vous l'ai pas encore dit. Ils sont basés à Orlando, en Floride. Là, ils ont déjà un succès bien établi dans les environs d'Orlando et dans la Floride. Dans le style hein, rock, country, folk, aux accents sudistes, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Bon, bah alors, écoutez Thomas Wynne, Man Out of Time. Thank you. intéressant, n'en est-il pas ? Ah oui, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère de leur musique. Bah oui, je sais pas, ça sont les grands espaces en même temps. Et puis, il y a une espèce de confinement un peu. On est entouré par la rythmique. C'est Thomas Wynne and the Believers. Hier, on a regardé un clip. Hein. La demoiselle est bien colorée. Elle aime les tatouages. Hein. Ah oui, oui, c'est. Ouais, c'est ça, c'est Olivia Wynne, elle est tatouée, on peut dire de la tête aux pieds. Ouais. Les jambes, les bras, les mains. Les... Oui. Elle est dans l'eau, mais pas toute nue, hein. Elle est non, habillée, non. Mais, oui, mais oui. Tout ce qui dépasse, c'est tatoué. Sauf le visage, bien sûr, mais voilà, Thomas Wynne. Alors, je vais vous rappeler que la nuit du blues, les deux nuits du blues à Saint-Saulve ont lieu le vendredi 24 et le samedi 25 novembre. Ah oui, il faut y aller. Oui, ça va être un. Oui. Le vendredi 24, il y aura Arnaud Frada and his Roots Combo, The Blues Bones, les Belges et Carl Wyatt. Et le samedi 25, Rosedale, les Français, Phil Bills Freedom et Van Wilkes, donc à l'Espace Athéna à Saint-Saulve. Attention, réservez, ne faites pas le déplacement si vous n'êtes pas certain. Là, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler que ce soit complet, mais achetez vos tickets. Voilà pour Saint-Saulve. Je te laisse continuer la musique, Francis. Oui, alors on va ici pour aller partir dans un autre style. C'est plus le rock. Je dirais hard rock carrément même. C'est Carousel Vertigo et l'album c'est Revenge of Rock and Roll. Et comme le nom et le titre ne l'indiquent pas, c'est un groupe de Paris. Ils sont basés donc dans la région parisienne. C'est trois Français, un Américain qui jouent la musique qu'ils aiment. Voilà, sans se soucier des modes. Et bah, le titre veut dire quelle est la musique qu'ils aiment, c'est Revenge of Rock'n'Roll, la revanche du rock'n'roll, mais c'est ce qu'on va écouter tout de suite, alors Carousel Vertigo. What's it to you to be a loser? We'll be right back. Et vous l'avez compris, c'était la revanche du rock and roll de Carousel Vertigo. Carousel Vertigo, c'est bon d'abord mené par une paire de guitaristes, c'est le Parisien Vincent Martinez, guitare et chant, et l'Américain du New Jersey Jansen Press. Voilà, Carousel Vertigo. C'était une bonne transition pour ce qui va suivre, histoire de monter un peu le degré température. Oui, parce qu'on va terminer fort notre Telling You avec notre trio belge déjanté des Trigger Fingers. Alors, ça fait un moment que j'ai reçu l'album, et puis à chaque fois, je dis, on le met en fin de Telling You, et puis à chaque fois, on n'a pas eu le temps. Alors là, ce soir, on vous passe ce nouvel album qui s'appelle Colossus. Voici Breathlessness. Trigger Finger. Pour ce nouvel album de Trigger Finger, Colossus, sorti chez Mascot Records, dont ce premier titre qui ouvre et qui donne son nom à l'album, Colossus. I'm gonna C'était Colossus, donc le titre qui ouvre et qui donne son nom au dernier album de Triggerfinger. La semaine prochaine, nous serons le jeudi, 16 novembre, et il sera le temps de fêter le Beaujolais nouveau. Aïe, aïe, aïe. Et RQC vous invite donc au L Bar, c'est ici, là, juste à côté des studios, donc avenue Roger Salengro. Dès 18h, il y aura des planches de pain avec du fromage, il y aura bien sûr du Beaujolais et il y aura les animateurs de votre chère radio. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour fêter le Beaujolais nouveau. À partir de 18h. 18h, oui. Alors nous, on viendra, mais à 20h. Et justement, Francis, la semaine prochaine, je t'invite à un petit jeu pour Télé-Niou. Ah. Ouais. Les femmes contre les hommes. Ah bon, c'est-à-dire, il faut que je ramène du monde? Ah non, non, non, non, non. Moi, je vais te prouver qu'il y a énormément de blueswomen. Ah oui. Ouais. Bon, ben, j'irai chercher, je vais monter à la cave ou je vais descendre au grenier pour essayer de retrouver pas mal de disques pour la battle. Pas de problème. Donc, chers auditeurs, à la semaine prochaine dès 18h30. Ce soir, il n'y a pas de Yost et son Back to the Roots, alors on va en profiter, on va déborder un petit peu. Et je vous propose... Ah oui, il est 19h59 sur RQC. Ah ouais, donc on va déborder avec un dernier titre de Triggerfinger, Flesh Tight. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Navigue les ondes libres.